Bienvenue, je suis Yannick Doc et aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial de 82 BPM. Ouais, avec le préparatif de Noël, puis le repas de Noël, les vacances, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps de préparer un vrai épisode. Alors je vous fais ce petit hors-série, un peu à l'arrache, entre un morceau de dinde et un bout de bûche. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler d'une chanson qui détient le record du 45 tours le plus vendu en France, avec quasi 6 millions d'exemplaires. Moi je sais que certains auditeurs répondent aux podcasteurs pendant qu'ils écoutent, alors je vous laisse quelques secondes pour deviner le nom de la chanson. Un indice en bas de votre écran, c'est une chanson française, ouais, c'est une première pour 82 BPM. Et du coup c'est Petit Papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Alors à la base, le chant a été écrit en 1944 pour une opérette. Et les premières paroles parlaient d'un enfant qui demandait au Père Noël de ramener son papa prisonnier de guerre en Allemagne. Monsieur là, c'est la fête. Les paroles ont été réécrites par Raymond Vinci et Henri Martinet, et en 1946, elles ont été interprétées pour la première fois par Tino Rossi dans le film Destin. Bon, je vais pas faire plus long, car il n'y a pas grand chose à dire de plus, et puis c'est un petit hors-série à l'arrache, hein. Donc on enchaîne avec les reprises. Alors on commence par une reprise du groupe Trust, sortie sur le EP En Attendant en 1989. Et toi tu vas pouvoir flamber avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, la distribution des cerises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens la mort sur notre maison. Maison, je n'ai pas jeté tous les jours au présage, mais je demande. Et y'a l'hiver là, t'as glissé.

cycloport. Monsieur!